Photon et graviton pour giga électron dans le fion. Et pas l'interaction, c'est la pompe à neutrons dans le fion. C'est moi la réception, la grande défécation. Pour ceux qui tournent en rond.